100% francês com Ricardo de Matos. Amore, vieni ballare adesso. Vieni, vieni, vieni. Je sais, je sais. I love you. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la faire. Branche un peu tes écouteurs par ici, la mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie, des guili guili Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Carino, y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des cravates d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la faire. Fermez les yeux des grandes filles bleues marines, tout à languie pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. L'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresse du matin, chagrin. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la faire. Bom fim de semana, sejam bem-vindos a mais uma edição do 100% Francês. Começou desta vez bem atrás no tempo, os primeiros tempinhos de Alain Souchon em 1977 e este Y'a de la rumba dans l'air, carinho, castigo. Entrou tarde nas edições do 100% Francês, mas agora recuperamos isso com a passagem frequente para este Sister de Émilie Loiseau, uma das nomeadas este ano nos prémios Victoire de la Musique, os prémios de música franceses, mas que não arrecadou o prémio da sua categoria. A senhora que arrecadou vai passar ainda nesta edição do 100% Francês. Te souviens-tu d'un jour de septembre où il avait tant plu? Les cahouets rouges dans la Renault 12 ont quitté Londres sans toi. Que Je ne crois pas au destin, mais que tout peut changer. Qui sait ce que demain peut réserver? Je ne crois pas au hasard, mais que tout est écrit. Comme il n'y a pas d'histoire que l'on choisit, on peut vouloir une autre vie, mais il faudra laisser faire le temps. Francês, regressamos a um dos temas que fizeram parte da ópera musical de sucesso em 2008 e 2009, Cléopatra, este Une Autre Vie, cantado por Sophie Sadi e Florian Etienne, nunca tinha passado por aqui. E a próxima também não, até porque já é a música de 2010, mas apesar de ser muito recente e de ser o primeiro trabalho de Tracy Jonathan, este Pas besoin de toi é das mais vistas e ouvidas no momento. Sur l'oreille à y croire, à lui.

Do primeiríssimo álbum de Vanessa Paradis, um dos singles ouvidos nessa altura foi este Maxu. E agora com a segunda passagem por aqui do novo tema de Olivia Ruiz, a grande vencedora da edição deste ano dos prémios mais importantes de música franceses, os Victoires de la Musique, e ainda por cima numa das categorias mais cobiçadas, a de melhor intérprete feminina. Je voudrais juste une fois caresser ta peau blanche, la faire glisser entre mes doigts de ta nuque jusqu'à tes hanches. Sans en venir aux mains, sans avenir, certains. Claro que sim. C'est bon d'aimer com a grande Liane Folly, senhora sempre muito presente nas edições do 100% francês. E continuamos com o senhor que se deu a conhecer no mundo da música. Há poucos anos atrás, foi na comédia musical Le Roi Soleil, onde vazia de Rei Luís XIV. Desde então, a sua carreira musical ficou muitíssimo bem cimentada. Uma das suas últimas é este Promis, Emmanuel Moir. Promis, je ne veux pas la lune, je ne demande rien. Promis, tous les deux sur les dunes, je n'en ai pas besoin. Promis, si tu me donnes le choix, je ne demande rien. Promis, pas de pierre à ton doigt, ni maison ni jardin. C'est promis, pas de bois, pas de fer, pas de croix pour mon bien. En enfer, c'est par d'autres chemins. C'est promis, pas de main sur le cœur, mais mon cœur sur le tien. Ton cœur sur le mien. Promis, je ne veux que ta voix, réveillant mes matins. Sur le cœur, et mon cœur sur le tien. Ton cœur sur le mien. Mets ton cœur sur le mien. Mets ton cœur sur le mien. C'est promis, c'est promis. Juste ton cœur sur le mien. Juste ton cœur sur le mien. Sur le mien. C'est promis. Juste ton cœur sur le mien. Soit dans tes bras, c'est un autre que moi. Un